demande du temps. Et tu sais que c'est notre dernière aujourd'hui, hein, ça demande du temps, alors on va y rester dans le trail. Que sont les grands rendez-vous qui nous attendent pour cet été? Alors pour cet été, il y a une très grande course, c'est vrai que peut-être qu'ils seront 500. C'est la montée du Ventoux, qui de 18 km passe à 14 km le premier week-end de juillet. Ouais, je serai présent. Toujours Serge Jolin qui... Non, alors là, c'est Cyril Olivier, d'accord, qui est un ancien de l'équipe de France. Il était en équipe de France quand il était junior dans les années 93-95. Je serai présent pour l'aider, au niveau de l'animation, du chronométrage également. Et cette course, pourquoi ils l'ont descendue à 14 km? C'est-à-dire que les gens de la Fédération française d'athlétisme qui sont dans la partie course hors stade pour les courses de montagne, il y a déjà à peu près 5 ans, étaient venus en tant que, au niveau repérage, avec quelques athlètes aussi qui ont fait partie de l'équipe de France. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le parcours et le site leur plaît. Donc si après Cyril arrive à avoir deux partenaires, son gros partenaire, ça sera la Fédération française d'athlétisme. Mmh. Si un jour ou l'autre ça passe à ce niveau-là, à un championnat de France. Ouais, toi Didier qui a été champion du monde de course hors par équipe, par en montagne, excuse-moi. Oui, non, mais dis-moi aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qui a évolué par rapport à toi quand tu courais et vous avez été champion du monde? Ce qui a évolué, c'est que déjà le site du Ventoux, ça porte son nom, c'est mythique. Ensuite, Cyril Olivier, qui est un ancien de Malmort-du-Comta, quand il était junior dans les années 93-95, s'entraînait souvent du côté du chalet Reynard. Je suis allé deux fois sur ces endroits et s'entraîner. Je peux te dire que je tirais une bonne langue, malgré que bon, j'ai eu un beau titre avec l'équipe de France. Mais entre la caillasse et quand tu redescends et que les gens doivent suivre et t'envoient pas la fin. Bon, en plus, c'est que quand tu pars de tout en bas, de Bédouin, tu as quand même des super endroits où là, tu as de bons appuis. Avant d'arriver sur la finale où il y a tous ces galets, tous ces cailloux, tu as de super appuis, tu as un sous-bois qui est sympa. C'est vrai que c'est étroit, mais le profil plaît et les gens de la Fédération française d'athlétisme avaient aimé. Ils étaient venus une fois avec quelques athlètes, puisque la personne qui est là en tant que... qui fait partie du staff, c'est quelqu'un qui est de Lyon, avait avoué que tout s'y prêtait et qu'un jour ou l'autre, bon, il tendrait la perche à Cyril Olivier. Et Cyril, au lieu de mettre, disons, la date au mois de mai ou juin, puisqu'il était en concurrence avec d'autres courses au niveau national, l'a mise début juillet. Alors début juillet, ça peut attirer aussi du monde, puisque tu peux mettre aussi des gens qui sont là, des novices, qui partent pour courir, mais pour se faire plaisir. Donc 14 km, c'est faisable. Bon, tout en ayant un entraînement quand même qui est à la base. Et là-dessus, bon, si la distance après est homologuée pour faire partir des courses qui font partie du challenge des courses de montagne au niveau de la France et pour l'équipe de France, pourquoi pas. Et c'est un beau challenge pour lui, puisque là, c'est sa deuxième édition. Avant, elle faisait entre 16 et 18 km. Il l'a fait une année où il avait fait un arrêt il y a à peu près 3 ans. Et depuis l'année dernière, il a relancé, mais sous une autre forme, c'est-à-dire avec une distance là qui est plus courte, qui est de 14. Merci Didier pour cet explicatif. C'est vrai que 14, c'est peut-être un petit peu plus facile, pas facile, mais la course sera un petit peu plus dense. Quand on voit le dénivelé, il y a au moins 1000 mètres de dénivelé, faut y aller. Au départ à Bédouin, ça part, c'est sur un peu de bitume, mais après quand tu commences à voir les premiers contreforts sur le bas du Ventoux, tu commences à voir les quadriceps qui commencent à... Bon, si t'es pas habitué, là, c'est soit de la marche. Voilà, merci Didier pour cet explicatif de l'athlétisme. On te retrouvera la saison prochaine, parce que ce soir, c'est la dernière. Hein. Juste avant de retrouver Jean-Yves, je m'excuse pour ce petit lapsus de ma part. J'aimerais dire quand même à tous les auditeurs, parce qu'aux alentours de 19h30, ils pourront intervenir à la radio. On va vous donner le numéro de téléphone et je vais y revenir dans quelques minutes, aux 04 90 40 16 90. 04 90 40 16 90. Si vous avez un petit mot à dire à ces handballeuses de Mazan, et bien vous passerez à l'antenne. Vous pourrez poser vos questions et pourquoi pas les féliciter pour cette belle saison. On y reviendra. Mais pour l'instant, nous retrouvons Jean-Yves juste avant de voir Marie. Bonsoir, Marie qui vient d'arriver. Pour la dernière, hélas. Voilà. Monique qui est très sympa, elle coupe le micro, elle ouvre le micro quand les gens ont fini de parler. C'était très bien. Qu'est-ce que tu en penses, Marie? Je suis désolée, mais j'ai pas d'écouteur, donc je pensais être passée à l'antenne. Moi, j'ai dit bonsoir pour la dernière, hélas. Ouais, hélas pour la dernière. Jean-Yves, qui est du côté de Pau, puisque lui est allé voir la salle où jouera les filles de Mazan, il me semble, non, Jean-Yves? Ça y est, je suis pas là, c'est la panique. Bonsoir Fred, bonsoir à tous, bonsoir à l'équipe de Mazan, mon ami Karl. Salut Karl. Salut. Ouais, on va te mettre un petit peu plus fort, on va avoir un petit peu du retour. Ouais. Vas-y. Oui, c'est beau. C'est mieux, non, je disais bonsoir à tout le monde et tout spécialement à Karl et à son équipe. Fred, je te félicite pas pour ton cri d'humour, les gars, il y a eu 2 minutes. Mais je me vengerai. Alors, un homme célèbre qui aurait pu être notre premier grand président qui a disparu, avait vu dans une émission de radio et avait interpellé comme ça, c'est bien, tu écoutes toi aussi, très très bien. Je te dirai la suite après. Non, frère, écoute, écoute, oui, je suis à pro, je suis venu en reconnaissance pour Karl et son équipe et voilà, je donnerai quelques infos à Karl un peu plus tard. Voilà, on est avec cette équipe de Mazan, hein, tu le sais, ça y est, on va ouvrir dans quelques secondes le dossier, mais pour l'instant c'est... Voilà, ça suit. Ce soir c'est la dernière, c'est normal. Horizon n'est pas toujours un horizon de gloire, mais grâce à toi Marie, nous allons en prendre plein les oreilles. Et les papilles. Et les papilles. Prenez bien un stylo, un crayon. Et préparez votre week-end, Marie va vous donner le contenu. Alors, tout d'abord, je vais vous proposer le premier semi-marathon des Gorges de la Nesque. Ça se passera samedi 3 juin, avec un départ à 8h de Ville-sur-Ozon, à une altitude de 292 mètres, et une arrivée à Monieux, avec une altitude de 644 mètres. Un 21 km 100 qui sera sur une route fermée, aux Gorges de la Nesque. Dimanche 4 juin, je vous en propose une autre plus proche de chez nous, puisque ce sera la Montilienne, ça se passe à Monteux. Et c'est une course qui compte pour le Challenge Vauclusien. Ça sera un départ à 9h30 de la salle de l'atelier de Monteux. Et 3 parcours vous sont proposés. Un 12 km, un 5 km et une marche sportive de 5 km. Un tour de ville puis un passage en campagne environnante avec 60% de route et 40% de chemin. Sachez que 1 euro du prix de la course sera reversé à l'amicale des donneurs de sang de Monteux. Mais si vous préférez aller voir de la moto, ce sera ce week-end, samedi 3 et dimanche 4 juin, avec la finale du championnat Elite 24 MX Tour Motocross à Pernes-les-Fontaines, avec le championnat de France Elite Junior Espoir. Et je vais en finir avec 2 petites rando bistrot. La première, ce sera samedi, ce sera du côté de Beaumont-du-Ventoux, avec la cerise sur le Ventoux. Les gens, ils ne seront pas là. Au départ du village, 3 petits kilomètres en voiture vous mèneront au point de départ d'une belle randonnée sous les cerisiers. Sur le chemin de Petite Chapelle Romane, dont les mystères seront dévoilés par le guide Pierre Perret, ponctueront la balade. Sur cette même terre fertile qui produisait du blé, de l'huile et du millet, se développent aujourd'hui l'arboriculture et la vigne. Ici, elle sculpte la plaine et ses contreforts de grenache et de clairette, d'abricots et de la fameuse cerise du Ventoux. Reconnue sous la marque Cerise des Monts de Venasque, c'est le fleuron de la cerise en France. Aux portes de l'été, les premiers fruits mûrs feront la joie de nos papilles grâce aux petits plats délicieusement préparés par Grégory qui vous attendra au bistrot de pays La Fourchette du Ventoux à midi. Et puis l'après-midi, une petite randonnée qui vous rendra chez Régis qui produit des cerises pour une démonstration de son métier et bien sûr une dégustation. Et si vous préférez aller voir les porcs laineux de Maubec à Opède, ce sera toujours le samedi 3 juin. Après une rencontre autour d'un café au bistrot Les Poulivets à Opède en milieu d'après-midi, un court trajet vous conduira au point de départ. À travers les vignes, vous gagnerez le frais piémont du Nord-Luberon pour découvrir le village perché d'Opède-le-Vieux. Par une succession de vallons intimistes, voici l'étonnant élevage de porc laineux Mangalica, une variété dont Chris vous parlera avec passion et affection pour ses qualités gustatives et sa robustesse. La découverte de son métier se poursuivra à son laboratoire avec la présentation de ses produits rares et de grande qualité. Ça sera le dîner qui se passera dans le petit bistrot d'Opède-le-Vieux. Et ce sera Patrick qui vous fera apprécier sa cuisine à la fois inventive et très proche du terroir local. Vin, primeur et porc laineux bien entendu. Cette soirée de début d'été se terminera par une balade digestive entre vignes et collines. C'est vraiment extraordinaire car tout au long de cette saison, eh bien, on me dit que peut-être lundi prochain, nous devrions être ici dans ces studios. On vous tiendra bien sûr au courant dans la minute sportive. Tu as été exceptionnel puisque tu nous as donné un petit peu envie de faire ces rando bistro qui sont des choses très ludiques et qu'on peut... Très ludiques et qui sont également enrichissantes, gustatives et surtout sur tous les plans, j'aurais pas trouvé les mots. Tant il y aurait tant de choses à dire sur ces rando. Et tout au long de cette saison, eh bien, tu as été formidable parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient pu participer, monsieur Jean-Yves. Non, je ne participe plus au rando, je ne participe plus qu'au bistrot, en fait. D'accord. J'ai arrêté la rando, ça me faisait mal à mes jambes, voilà. Bon, très bien. Alors, et pour qui on me fait passer? Ce soir, Focus, c'est bien sûr le grand rendez-vous si vous venez de nous rejoindre sur les ondes de Fly FM. Eh bien oui, avec nous, l'équipe de Mazan, handball au féminin, un club qui s'est marié avec un autre club, c'est bien sûr le club d'handball de Sorgues. Nous verrons les contours et le contenu de ce mariage. Mais l'équipe de National 3 féminine, les fameuses féminines de Mazan, qui ont joué un match exceptionnel face à Clermont-Salagou et du coup, eh bien, on se retrouve aujourd'hui aux portes de la Nationale 2. Depuis trois saisons, on en rêvait. Il y a déjà 8 ans quand Pascal Vassé était venu me voir et on s'était rendu dans cette salle de Mazan où on jouait en pré-national face à Gap. Un match mémorable, une ambiance torride et déjà, il y avait des joueuses qui avaient vibré pour ce grand rendez-vous. Elles auront besoin, ces coéquipières, de cette expérience de certaines joueuses, car elles savent le fruit qu'il faudra donner pour pouvoir accéder à la Nationale 3. Mais avant d'aller beaucoup plus loin, on va revenir avec Karl Vinsono qui est à mes côtés. Encore une fois, bonsoir et merci Karl d'être venu. Bonsoir, ça me fait toujours plaisir de venir vous voir. On a Julie Ricard, capitaine de cette équipe, qui a été exemplaire tout au long de cette saison, mais pas que de cette saison, depuis qu'elle est à Mazan. Bonsoir encore une fois. Bonsoir. Tu vas bien? Oui, toujours. Je ne me suis pas trompé, tu t'en souviens de ce match? Oui. Oui, il nous a fait mal ce match. Tu en as tiré des leçons en tant que joueuse au niveau de ce qu'il a manqué pour pouvoir passer? Est-ce qu'on n'avait pas perdu ou c'était qu'un match nul? C'était qu'un match nul, mais bon, c'était perdu dans nos têtes. Enfin, c'était quand même décevant. Oui, bien sûr. De toute manière, pas que sur ce match-là, on en prend. On prend toujours le bon de nos matchs. Il faut toujours garder ça en mémoire. Il faut pas. Je me souviendrai toujours. Hein, cette ambiance qu'il y avait, il pleuvait. Il y avait tellement de supporters. Les arbitres avaient arrêté le match. Je vous donne un petit peu la scène en quelques secondes. Il y avait à peu près entre 600 et 800 personnes dans le gymnase. Il y en avait tout au bord du terrain. L'arbitre avait demandé aux gens de sortir. On est allé chercher des bancs parce qu'on est à côté d'un collège où c'est que les gens étaient avec le parapluie et ils étaient à la fenêtre et chaque fois que Mazan marquait, ils tapaient contre les carreaux avec le parapluie. Et à chaque but, les deux arbitres bloquaient le terrain, faisaient reculer tout le monde derrière les cages et contre, on va dire, en dehors du terrain de jeu pour pouvoir que le match reprenne à chaque but envahissement du terrain. C'était énorme l'ambiance qu'il y avait. Il y avait même le responsable, je veux dire, je me trompe, le responsable du comité, du comité Provence-Alpes-Côte d'Azur. Président de la Ligue, merci pour venir me rappeler ça. Armand Griffon. Voilà, qui était là, il m'a dit, c'est énorme ce qui se passe à Mazan. J'ai dit, je sais pas où je suis ailleurs, je suis sur un terrain de rugby, je suis dans un match de foot, mais pas un match de handball. Je ne savais pas qu'il y avait une ambiance aussi torride. Voilà, juste pour situer la scène. Et je crois qu'on a envie de revivre ça. Nina, toi qui est venue depuis 2 ans. Tu as connu de tel engouement dans un match? Non, de pas du tout. Non, comme vous décrivez la scène, non. Est-ce qu'aujourd'hui, à Mazan, tu as vu qu'il y avait une arme de club et une arme de supporter? Bah, on l'a surtout vu au senti, match. Quoi, senti, ouais, quoi, hein. On l'a senti au match de Clermont-Salagou, qui était un match super important. Et c'est vrai que le public a répondu présent. Quoi. Et on va demander à notre jeune gardienne, Nina Le Forestier. Est-ce que c'est pas un petit peu dur, la pression, là, quand il y a beaucoup de monde comme ça, que ça crie et que bon, tu sais que tous les arrêts sont déterminés, on va dire. Si, justement, c'est très stressant, mais on se sert de ce stress pour... ça nous galvanise, en fait, pour donner le meilleur sur le terrain. Donc, ça nous rend meilleurs, je pense. Julie aura un rôle très important dans ce match, avant de se déplacer à Pau. Le match, le dernier match qui arrive, là, les filles, excusez-moi de parler comme ça, quoi. Vous êtes prêtes pour réciter un petit peu les gammes? Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste Grasse, je crois. Cagne. Ouais, un match que vous avez gagné ici, et vous vous déplacez. Ça sera, comment vous allez l'aborder? Vous voulez répéter un petit peu les gammes ou vous essayez de marquer encore un peu plus les esprits? Comment ça va se jouer? Parce que c'est vrai que on va pas dire comment vous laissez carte blanche, mais bon, le grand rendez-vous, on le connaît, quoi. Eh bien, nous, ce qu'on attend, c'est de gagner le match. C'est forcé. On peut faire un 3 sur 3. Et on veut vraiment aller à Pau, vraiment avec toutes nos forces. Et on va appliquer ce que Karl nous demande durant ce match. Même si c'est le dernier, même si on sait qu'on va à Pau, dans tous les cas, voilà, on va jouer pour se faire plaisir et surtout pour... déjà, en plus, c'est un match, on pourrait dire, pas d'échauffement, mais voilà, c'est appliquer tout ce qu'on a fait de notre saison et le jouer encore comme on sait les jouer. J'arrive, tu peux être une question, non? Non, une question, oui, mais surtout, déjà, je voulais féliciter Karl et les filles pour le boulot qui a été fait. Pas que cette saison, Fred, tu le sais, je suis admiratif du boulot de Karl et je suis admiratif de ce qui se passe dans ce club. Voilà un club qui a été monté tranquillement, qui a été structuré avec une école de handball qui est capable de sortir des nanas qui petit à petit accèdent au plus haut niveau. Et voilà, après la fin de saison, et bien la fin de saison, il reste un match amical. Mais connaissant Karl et avec Bruce dans les parages, j'imagine que ça va avoir d'amical juste le nom, parce que ça va être préparé comme un vrai match de coupe. Et puis après, voilà, le meilleur reste à venir. Tu sais, une finale, et là c'est une finale, ça se perd pas, tu l'as dit tout à l'heure, hein, ça se joue et ça se gagne. Voilà, il faut... les filles doivent être concentrées sur ce qu'elles savent faire de mieux, jouer au hand, et puis après essayer d'évacuer. Alors bien sûr, c'est pas simple d'évacuer tout ça, mais d'évacuer la pression, d'évacuer l'enjeu. Elles se sont préparées depuis la période de saison pour vivre ce moment-là. Ça y est, elles y sont. Donc maintenant, c'est que du bonheur. Et encore une fois, connaissant l'entourage, Pascal, Karl et Bruce qui intervient sur le mental, il y a de chance qu'elles aient envie de le prendre à l'aise. Non, mais tu n'as pas mis la pression là, tiens. non, c'est rien, c'est juste comme ça, quoi. Non, c'est un match de phase de finale, Fred, quel que soit le sport, ouais. Un match de phase de finale, ça se joue, ça se galvaude pas. On a travaillé toute la saison, quand on arrive là, au mois de mai, juin, on a travaillé toute la saison, c'est... Comme j'ai l'habitude de dire, on s'est tapé les soirées d'hiver où on n'avait pas envie de ressortir de la maison. On s'est tapé des entraînements, des gammes. Karl nous disait qu'au mois de décembre, il leur avait mis des séances de physique que personne n'avait envie de subir. Mais voilà, ça doit servir à ça. Oui, juste pour revenir un petit peu sur ce que tu disais, c'est vrai que il va falloir un petit peu évacuer, mais je me souviens d'un charmant jeune homme qui venait ici, quand même juste charmant, parce que le garçon, c'est Laurent Brousseau, l'un des meilleurs préparateurs physiques, je veux dire, pratiquement de France, quoi. Il me disait que à chaque rendez-vous, grand rendez-vous, il faisait carrément le contraire de ce qu'il faut faire. Il allait faire du badminton à des joueurs de rugby, il allait ramasser des fleurs dans un champ, un mec qui allait faire le 100 mètres pour que complètement il évacue ce qu'il allait faire, quoi. Le contraire de du rendez-vous, quoi. C'est des choses invraisemblables, quoi, hein, mais c'est comme ça qu'on va appeler ça, qu'on coupe, hein, je ne sais pas si j'aurais bien m'exprimer. Ouais, il peut y avoir de ça, Fred. Il peut y avoir l'idée d'essayer de dédramatiser l'événement. Il peut y avoir aussi l'idée de couper avec la routine et de quelque part se remettre un petit peu en danger, c'est pas le mot, mais de lâcher, de faire autre chose. Alors effectivement, là on en est un peu moins là, parce que les filles ont ce match qui reste la semaine prochaine pour préparer le match le plus important de la saison. Mais il va falloir travailler correctement et puis surtout tirer aucun enseignement de ce match-là, parce que ce match-là, souvent, on le perd. Ce match-là, quand la saison a été... peut-être que Karl pourra confirmer ou infirmer ce que je dis, mais quand l'objectif a été, le premier objectif de la qualification a été atteint, entre l'objectif atteint et le premier match de phase finale, souvent il y a une espèce de décompression. Il ne faut pas que ce match-là les inhibe, même si elle ne joue pas bien, même si c'est un autre système. À partir de maintenant, il y a le match amical qui reste, enfin, le dernier match de championnat, mais qu'on considère presque comme un match amical. Et puis après, il y a une nouvelle compétition qui attaque, Fred. Et probablement que Karl confirmera ce que je dis, mais c'est un autre état d'esprit, presque un autre sport, on va dire, presque une autre dimension. Et si tu veux, Jean-Yves, on va remonter un petit peu le film, on va s'arrêter là pour le dernier match de la saison, mais revenons aux deux, trois saisons qui se sont écoulées, l'arrivée de Karl Vincenot. Karl, qui a été ton choix de venir à Mazan, quand Pascal Vassé s'est aperçu, parce que Pascal, il sait comment je porte cet homme, par ses valeurs pour le handball, de faire appel à toi, de sentir qu'on était monté une fois en National 3, on n'a pas su y rester, on est redescendu en pré-national. Julie Ricard est avec nous, elle a subi, elle aussi, puisqu'il y a combien d'années que tu joues, Julie, avec Mazan? J'ai attaqué ma 20e année. Voilà, combien en équipe 1? Bravo. Combien? 8 ans. Voilà, c'est ça, exactement, puisque c'est ma 9e année ici à Fly FM, et depuis 9 ans je suis ce club. Et c'est vrai que Pascal était bien triste, très heureux de rejoindre la National 3, mais très triste la fois où c'est qu'on est redescendu. Et là, Karl est arrivé. Karl a ton choix de venir à Mazan. Bah, on en a déjà parlé, c'est surtout... Non, mais ce soir, on fait le film. D'accord, alors, je vais... C'est par rapport au projet, à la représentation qu'a ce club dans la région Provence-Alpes à l'époque. Voilà, un club formateur qui a des valeurs, qui travaille sur les jeunes et qui a des ambitions, et qui se donne les moyens de ses ambitions avec des gens, des bénévoles qui s'investissent. Alors, je dis pas qu'ailleurs, ils s'investissent pas, mais c'était... Dans ma vision des choses, dans la vision que je me fais, dont je me fais du handball, voilà, c'est, on avait des points communs avec Pascal là-dessus, et puis voilà. Alors, il y avait l'idée de remonter en N3, c'était un objectif qui me semblait cohérent et puis intéressant à vivre. Donc voilà pourquoi j'ai choisi Mazan. Alors la première année, ta deuxième année, tu montes en National 3. Ouais. Ta deuxième année arrivée. Tranquille. Non, je plaisante. Non, presque. Julie, c'est quoi qui a changé d'un coup quand Karl a repris un petit peu le groupe des seniors? Oula, qu'est-ce que la discipline, dire là, parce que... le travail le plus assidu, les entraînements, la précision d'être à l'heure. Non, après c'est vrai parce que souvent les joueuses et même joueurs de rugby, c'est 19h, ils sont à 19h30, ils sont à l'entraînement, quoi. Ça aussi, c'est de la rigueur, quoi. Hein. Non, c'est vrai que après Pascal Vassé, ça a été un bon entraîneur, mais on dit souvent que on peut pas rester plusieurs années avec le même coach. C'est vrai parce que effectivement d'avoir une nouvelle personne comme Karl, ça nous a fait du bien à toutes les filles, parce que bon, après il y en a qui l'ont pas connu, qui n'ont pas connu Pascal Vassé, mais c'est vrai que Karl, il nous a amené une autre vision de jeu, une autre façon. Et puis après c'est vrai que nous on a fait ce qu'il fallait aussi derrière, mais... C'est bien d'avoir un coach qui ouais. sait tirer le meilleur de soi-même en tant que joueuse, en se disant, on a un groupe et qui sait analyser un petit peu toutes les joueuses qui sont sur le terrain et se dire, Julie, aujourd'hui tu préfères ça, et tu n'as peut-être pas, pas la capacité, tu ne savais pas si tu avais cette capacité à te surpasser, mais qu'on te fait quand tu as essayé, mais tu t'es dit, oui, c'est Karl qui a raison, j'aurais mieux me positionner, j'aurais été plus offensive quand il faut l'être, il faut être plus offensive... À un certain moment, est-ce que c'est tout ça? Oui, bien sûr, oui, c'est ça. C'est vrai que je dirais qu'avec Pascal Vassé, je me suis régalée, ça n'empêche pas. Mais c'est vraiment depuis que Karl est avec nous que je me suis lâchée et que j'en suis là aujourd'hui, et je le remercie. Oui, Jean-Yves, vas-y, on t'écoute. Non, pour confirmer ce que disait Julie là à l'instant, c'est aussi l'intelligence de mecs comme Pascal Vassé qui après une montée et une redescente quasi immédiate s'est dit peut-être que moi j'ai apporté ce que je pouvais apporter au maximum, mais quand tout à l'heure je parlais de, de projet cohérent et de club qui a compris comment se structurer, qui a compris comment il fallait avancer. Ça fait partie de ça aussi, des dirigeants qui, et Dieu sait si c'est compliqué pour un entraîneur de se dire, là j'ai pas été bon, je vais me foutre en retrait, puis je vais appeler quelqu'un pour faire en sorte qu'il soit meilleur que moi. L'intelligence de Pascal, ça a été ça aussi. Ça a été de dire, mais peut-être que moi j'ai touché mes limites. C'est probablement pas les limites de Pascal Vassé, la N3, parce qu'il me semble qu'il est cadre régional ou quelque chose comme ça. Mais de se dire peut-être que ce groupe-là, je leur ai apporté tout ce que je pouvais apporter. Et il est temps de confier mon groupe, le groupe que j'ai façonné, que j'ai fabriqué, à un autre mec. Il faut juste leur tirer un peu plus sur la couenne. Juste pour rebondir un petit peu sur ce que tu dis, et peut-être Karl viendra me confirmer ou peut-être me dire que c'est pas du tout ce que je pense. Mais je pense que Pascal Vassé, il avait beaucoup de rôles. Et malheureusement, quand on a trop de casquettes, à un certain moment, on ne peut pas se donner. Et malheureusement, peut-être le coach d'entraîneur était peut-être celui-là un petit peu de trop, parce qu'il coachait bien sûr toute l'école. Il fallait quelqu'un pour s'épauler et pour voir de plus loin un petit peu le club, pour le gérer dans sa gestion totale. Est-ce que c'est bien ça, Karl? Moi, je connais le club que depuis que je suis entraîneur, donc voilà. ça m'est compliqué de dire que Pascal était trop là. Mais en tout cas, en tant que manager général et actuellement, son rôle, il est bien clair et tout à fait idéal pour nous, puisqu'il est le lien entre le politique et le sportif, et qu'on a les mains libres, voilà, au niveau sportif, et puis que sa connaissance de la structure et sa connaissance des gens qui sont des deux côtés permet de faire avancer les choses de manière cohérente. Oui, ça c'est clair. Après, oui. Je revenais à ce que disait Julie sur le fait d'avoir un autre discours, mais c'est aussi le cas avec Vincent qui est avec nous sur le groupe de National 3, où c'est aussi une autre voix, qui dit les choses d'une autre façon, qui a une vision, même si c'est la même, une vision un peu différente des choses. Et donc c'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un en plus qui donne son avis. On en fait ce qu'on en veut, bien évidemment, mais on prend acte et puis ça nous fait réfléchir. Et ça, c'est ce que j'aime, c'est le partage, et c'est comme ça que j'imagine, de toute façon, la gestion d'un groupe, quoi. Et même les filles ont le droit de dire leurs mots. Alors parfois, on limite un petit peu, mais on leur demande aussi de temps en temps leur avis. Alors, dans la limite de l'acceptable. Eh bien, on va parler avec Nina Le Forestier, qui est arrivée quand Mazan est monté en National 3 pour la deuxième fois. C'est la première année, la première saison. Nina, cette première saison, si on la décrit un petit peu, un départ canon, ça veut dire que tout s'est bien déroulé. On a même eu peur à un certain moment qu'on jouait le très haut du classement général, du tableau. Et puis tout doucement, ça s'est un petit peu effiloché au milieu de la saison. C'est quoi ce qui s'est passé entre la saison dernière et cette saison pour toi, qui est arrivé depuis 2 ans à National 3? Peut-être toi, tu peux résumer cette question, Nina. Vous parlez de la saison dernière? Oui, et cette saison. Si tu veux la saison dernière, à la configuration, la même que cette saison, vous avez gagné pratiquement les 5-6 premiers matchs d'affilée. Oui. On s'est dit, la saison il y a 2 ans, on s'est dit, ça y est, Mazan va jouer le haut du tableau, pourquoi pas une qualification pour la National 2. On a mis la pression à Karl plusieurs fois au téléphone l'année dernière. Et puis tout compte fait, on a eu ce creux, ce mou au milieu de la saison, où c'est que vous avez perdu pas mal de matchs importants, et à la fois vous êtes retrouvé presque à un certain moment à la limite de savoir si on allait y rester dans cette National 3. On s'est battu pour pouvoir y rester. Et cette année, par contre, il n'y a pas eu ce creux. Dans cette saison, il n'y a eu qu'une saison pleine. Il y a eu des matchs, bien sûr, compliqués, difficiles, et vous avez su relever. C'est quoi? C'est le groupe qui a changé? C'est la maturité? C'est Karl qui a su, à un moment ou un autre, avec l'aide du personnage qui nous a donné, de Vincent, qui a permis de limiter, on va dire, la casse, parce qu'on sait comment ça se passe, surtout les fêtes de Noël, quand vous avez 2 mois, là, que vous ne jouez pas, on se retrouve à vouloir jouer encore des matchs. Je pense ce qui a changé par rapport justement à l'année dernière, c'est cette année on a commencé avec un effectif très réduit, on s'est attendu à une saison très compliquée. Notre premier match contre hier, on y allait un peu avec hésitation, et au final on s'est serré les coudes tout ensemble et on a relevé un défi, et ça nous a mis en confiance pour la suite. Et en fait, après, je pense qu'on a eu, dans notre tête, on a pris au match le match, en fait. Hein. Et le but du jeu, c'était de gagner. C'est pour ça, juste avant de voir Jean-Yves, moi, j'ai noté par rapport à l'année dernière, c'est cette solidarité sur le terrain. Ça s'est ressenti, vous ne le ressentez pas, mais moi qui est spectateur et qui est venu vous voir des matchs importants contre Clermont-Salagou, c'est cette détermination entre les joueuses de rien lâcher. Ce groupe qui vit sur le terrain et qui s'encourage, qui se repositionne, cette force, il y avait un petit peu cette absence l'année dernière. Il y avait des moments un petit peu creux, il n'y avait pas ce lien comme il y a cette année. Oui, et puis cette année, on a vraiment un objectif commun qu'on n'a vraiment pas lâché à partir de janvier, quand il y a quelques filles qui sont revenues dans le collectif. Et on est tout le temps là aux entraînements, on donne le meilleur sur le terrain, et forcément ça paye un moment. Cynthia Fourreau a fait... Elle a fait beaucoup de bien sur la base arrière, c'est vrai, on peut pas. Et surtout en défense aussi. Ouais, j'allais dire, en fait, effectivement, elle m'a devancé, mais la grosse différence d'après moi par rapport à la saison dernière, c'est le retour au club du Facteur X, Cynthia, il me semble, qui quand elle est arrivée, par sa présence, a reboosté un petit peu le collectif, parce qu'elle arrivait de l'étage au-dessus, même si ça avait été compliqué pour elle d'évoluer à l'étage au-dessus, mais elle avait acquis une espèce de maturité malgré son jeune âge, et puis surtout, elle a permis, par son activité sur le terrain, de mobiliser les défenses et de pouvoir libérer des espaces autour d'elle, qui ont permis, on l'avait vu lorsqu'on était allé au mois de janvier, me semble-t-il, ou en février, où on avait vu une énorme activité autour de Cynthia qui faisait que ça libérait beaucoup d'espace pour les autres. C'est peut-être aussi une des explications de la meilleure saison de cette année. C'est aussi le retour de cette nana-là qui a en tout cas permis à Karl aussi d'explorer d'autres possibilités en matière tactique. Est-ce que je me trompe, Karl ? Non, mais de toute façon, Cynthia, c'est toujours une plus-value dans un groupe. Hein, un bon état d'esprit, physiquement. Bon, moi, je l'appelle le bonhomme, donc c'est pas pour rien non plus. Mais c'est amical et c'est avec beaucoup d'affection que je dis ça. Défensivement, elle a énormément d'activité. Et puis en attaque, c'est quelqu'un d'important. Et puis je trouve qu'elle a un bon état d'esprit. Elle est revenue il me semble, les filles pourront dire oui ou non, mais elle est parvenue en terrain conquis, elle est revenue sur un autre poste que celui de l'an dernier, et puis elle travaille pour le groupe, donc c'est intéressant par rapport à ça. Mais on est, avant qu'elle arrive, on est toujours deuxième du championnat, on a perdu que deux matchs au moment où elle arrive. Alors, je ne dis pas que la saison serait la même si elle n'avait pas été là, mais les filles avaient déjà bien à travailler avec, et c'est vrai que l'idée de redonner du boost, redonner un coup de fouet et redynamiser, oui, c'est une chose qu'elle a amené, ça, sans doute, sans aucun doute. Ouais. Jean-Yves, on va te couper la ligne quelques minutes, on va te retrouver, bien sûr, dans cette émission. Hein. Reste bien avec nous, parce qu'on a donné notre numéro au 04 90 40 16 90 pour que les personnes puissent appeler, s'il y a des personnes qui veulent appeler pendant cette émission, puisque je vois que ça textote de partout autour de moi, c'est énorme ce soir. Eh bien, on te retrouve juste après, Jean-Yves. Allez, ok, ça roule, à tout à l'heure. Ouais. Revenons Karl. Karl, premier match à l'extérieur cette saison. D'entrée, on va jouer à Grasse. Ouais. Il y a le déplacement et tout. Une belle victoire. Pratiquement 10 points au compteur. Ouais, déjà, tu sens un petit peu. Comme l'année dernière, tu sens. C'est quoi qui a changé par rapport à l'année dernière? Non, je crois que je fais pas trop le malin là, parce qu'on part pas complet, il me semble. Je fais jouer des moins de 18 qui n'ont pas commencé le championnat. Donc. Et puis Grasse, c'est pas une équipe qui nous réussit depuis quelques années. On est descendu sur un match à Grasse il y a 2 ans. Voilà, donc l'arbitrage en Côte d'Azur n'est pas forcément facile parfois. Donc je fais pas le malin, et puis ça se passe très très bien. Donc on arrive à limite à l'heure du match, il me semble aussi. Donc petit déplacement compliqué, mais ça se passe bien, ouais. Et on se retrouve le 17 septembre, cette fois-ci, vous recevez à domicile Bouillargues, qui, tout à l'heure, on regardait un petit peu les stats. Il faut savoir que Julie Ricard, c'est bien sûr, on va dire, la joueuse qui a été qui a une des stats les plus importantes, hein, puisqu'elle est numéro 1 dans les stats au niveau des buts. Mais cette équipe de Bouillard, il y a beaucoup de joueuses là aussi qui sont très offensives. Et là, vous gagnez encore une fois avec une belle marge. Quoi. Ouais, il y a en face, il y a des internationales jeunes. Donc, c'est pas si mal que ça. C'est jeune, c'est mobile, ça court. Ça se bat. Hein. C'est vraiment une équipe qui lâche rien. Bon, on est sur la dynamique du premier match, je pense, et puis ça se passe bien. Je crois qu'il y a un petit chaos technique d'une joueuse de Bouillard qui nous arrange bien, qui sort sur chaos. Et je crois que c'est une des meilleures joueuses de Bouillard, donc ça nous arrange bien sur ce match-là, et on finit tranquillement les 10 dernières minutes. Ouais. Première coupure et premier déplacement, et la première défaite du côté de la Croix-Rouge. Ouais, le scandale. Enfin là, je crois qu'on l'a parce qu'on partait que de 2 points, quand ouais, même, rien de grave. Hein. Ouais, mais on doit tirer 70 fois hein, quand même. Donc on doit faire un 24 sur 70. Je crois que je prends 3 temps morts, ce qui est assez rare dans un match, pour dire 3 fois la même chose, c'est-à-dire de cadrer les tirs et d'arrêter de tirer où on tire. Hein, c'est ça les filles à peu près. Et ouais, voilà. Donc vraiment un match en jouant mal, on perd de 2 buts quoi. Et après à la maison, pratiquement 10 jours après, on reçoit l'équipe de Bourg de Péage qui est, on saura par la suite qu'elle est énorme cette équipe. Elle vient vous battre 28 à 21. Là aussi, il faut retrouver du mental parce que c'est une défaite logique même. Ouais, à la sortie, là, je me dis, ça va ressembler à la saison dernière. Mais logique, mais on a revu les images après. On se dit qu'on a loupé quand même le coche sur les extérieurs où il y avait beaucoup, beaucoup de place. Sur les espaces 1-2 et qu'on a pas forcément, on les a pas forcément vus, donc on n'a pas joué forcément du mieux qu'on pouvait face à cette équipe là. Nina, tu as joué ce match? Oui. Ouais, et alors toi aussi, pour ta prestation n'était pas. Bah comme a dit Karl, on n'a pas exploité au mieux les faiblesses de l'adversaire. Quoi. Toi aussi tu ressens ça sur le terrain des fois par moment, oui, un petit peu la rage comme on dit en disant. Oui, excusez-moi l'expression. Bon. On a pris plusieurs temps morts pour en parler et c'était pas forcément appliqué après sur le terrain. Mais après, c'était quand même une grosse équipe et je pense qu'on a été un petit peu surprise de la. Justine, toi aussi, en tant que gardienne. Oui, c'était forcément un match compliqué, mais je pense qu'on s'en est quand même pas mal sorti face à l'équipe qui avait en face de nous. Donc, quand même une bonne prestation pour moi ce match. Et Julie? Les filles ont tout dit. C'est vrai que. Je pense qu'on a été surprise effectivement parce qu'on ne pensait pas que ce soit un niveau aussi haut. Après, quand on voit que chez elles, on les perd seulement d'un but, finalement, on a fait mieux au match retour. Donc on prend toujours le positif et elles sont quand même premières, donc il ne faut pas l'oublier. Et puis après, vous vous déplacez du côté de hier, vous avez peut-être vu de vous racheter, parce que là, peut-être ce match, vous auriez pu le gagner, peut-être à 40 ans. Alors là, je ne peux pas vous dire, parce que moi, je ne suis pas là sur ce match-là. Je travaille, d'accord. Je suis en stage avec les sélections. Donc, moi, je pense que c'est parce que je ne suis pas là qu'il y a match nul. Hein, qu'est-ce que ça me passe, Julie? Tu peux être capitaine. Comment je pourrais dire? J'ai envie de jouer à peau, donc je vais pas me planter sur ça. Non, soyons pragmatiques dans ce match. Vous auriez pu le gagner, vous avez été mené à un certain moment, vous êtes revenu au score. Comment ça s'est déroulé, cette partie? Est-ce que tu as des souvenirs? C'était bien sûr le 22 octobre. Alors là, vraiment, moi je suis pas très, j'ai pas trop de bonne mémoire. Donc, Nina, peut-être Moi je me souviens qu'on avait fait une super première mi-temps. Quasiment sans faute, hein, et c'est au retour des vestiaires, on s'est pris un 6-0 peut-être, ou quelque chose comme ça, et là on a commencé à paniquer, à perdre nos moyens, et on a couru après le score toute la partie. Quoi. Et bien souvent, juste avant la pub, et c'est dans une minute, Justine, c'est toi qui est un petit peu la clé de tout ça, parce que le gardien à ce moment-là, ben, au plus il fait des arrêts, au plus il redonne confiance à ses partenaires. Quoi. Voilà, c'est ça. Donc... Tu peux te rapprocher. N'aie pas peur, Justine. Hein. Voilà quoi, hein, c'est vrai. Oui, tu sais que tes arrêts sont déterminants à ce moment-là quand ça flotte un petit peu. Hein. Bah, c'est ça, il faut être là au bon moment. Et il faut être toujours prête. Voilà. Allez, on passe à la pub et on revient tout de suite avec ce club de Mazan. On va continuer à dérouler cette belle saison.